Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir dans notre émission Alain Escada. Monsieur Escada, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci à vous d'être venu. Pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes le président de l'association Civitas, vous êtes également proche de la fraternité Saint-Pidis. On peut dire ça, oui. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous présenter votre association en quelques mots ? Alors, Civitas, c'est un organisme qui a pour vocation de faire entendre la voix des catholiques dans tous les débats de société. Cela va de la protestation contre tout ce qui est antichrétien à la défense de l'identité française et catholique, la lutte contre le mondialisme, la lutte contre tout ce qui nous déracine, tout ce qui dénature la famille, tout ce qui fait de nous des petits consommateurs matérialistes privés de tout ce qui doit les conduire à leur salut éternel. D'accord, on a vu que votre association avait été très active lors des événements contre le mariage homosexuel. C'est là que votre association a pris une dimension. C'est effectivement un des moments qui nous a offert le plus de médiatisation, dirons-nous, la contestation de la loi Taubira. La médiatisation n'est pas pour nous une fin en soi ou un objectif, mais en tout cas, c'est vrai que nous avions la volonté d'anticiper de grands enjeux de société. Pour nous, bien avant novembre 2012, il était évident que donc la loi Taubira allait approcher, qu'il allait être nécessaire de combattre un tel projet de loi. Et nous voulions le faire sans concession, nous voulions le faire de façon très éloignée de cette espèce de langage bisounours des catholiques bontins, des chrétiens modernistes gentils qui veulent à tout prix se mêler au débat politique, au débat de société, mais en même temps on peur de choquer, c'est la fameuse peur des bien-pensants, vous savez, c'est ce langage mou, consensuel, qui en fait nous amène de défaite en défaite. Alors, nous allons en parler justement tout à l'heure. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour à tous. Alors, monsieur Escada, j'ai une première question à vous poser. Comment interprétez-vous les événements du vendredi 13 novembre 2015 ? Ah, vaste sujet. Je les vois d'emblée comme une conséquence directe de la politique irresponsable en matière d'affaires étrangères de la France. Je pense que on peut franchement utiliser le terme de sang sur les mains pour qualifier la responsabilité de Laurent Fabius. À partir du moment où un ministre des Affaires étrangères a notamment considéré que le front al-Nusra, qui est l'antenne d'Al-Qaïda en Syrie notamment, avait fait du bon boulot, selon ses propos. Ça signifie qu'en gros, pendant une longue période, la politique officielle gouvernementale française a encouragé des jeunes d'origine immigrée à rejoindre les combattants djihadistes en Syrie pour lutter contre Bachar el-Assad. Alors dès lors, évidemment, c'est une hypocrisie sans nom, ensuite, de s'étonner que ces mêmes jeunes qu'on a envoyés rejoindre les rangs djihadistes pour combattre Bachar el-Assad reviennent ultérieurement en France pour continuer la bataille djihadiste. On ne peut pas, il faut être cohérent quand on est ministre, on ne peut pas dire vous serez de bons djihadistes là-bas et de mauvais djihadistes ici. Ce qui se passe, cette recrudescence du djihadisme, je dirais téléguidé bien souvent, c'est le résultat de la politique étrangère de nombreux pays occidentaux. La France n'est pas la seule responsable, bien entendu, mais il y a une espèce d'axe que je qualifierais d'axe États-Unis, Israël, Arabie Saoudite, Qatar, Turquie, Koweït et Union européenne, qui ont pour objectif de faire chuter Bachar el-Assad et de redécouper les frontières du Proche et du Moyen-Orient. Et ces gens-là, à force de jouer les apprentis sorciers, eh bien, nous renvoient ici en Europe des terroristes qui sont simplement leurs enfants illégitimes. Xavier ? On note dans cette histoire que ce sont les mêmes qui se piquent de défense des chrétiens d'Orient qui justement ont encouragé cette situation pour le moins dramatique pour ces populations qui sont en voie de disparition dans cette région du globe. Oh ben, je serais d'ailleurs même assez sceptique quant à leur prétendue défense des chrétiens d'Orient. Vous savez, ces membres du gouvernement ont toujours donné l'impression que le simple mot chrétien leur brûle les lèvres. S'ils parlent abondamment, par exemple, des yézidis, et à raison, hein, parce que les yézidis, effectivement, sont victimes d'une volonté de les éradiquer, on voit quand même que rares, somme toute, sont les ministres ou les chefs d'État qui, de façon claire, parlent de chrétiens d'Orient. C'est de façon très ponctuelle, au milieu de toute une série de préventions, mais en réalité, ils font tout pour éviter d'utiliser le terme de chrétiens d'Orient. D'ailleurs, on vous a vu durant ce printemps 2015 dans des manifestations assez importantes en soutien aux chrétiens d'Orient. Quelle est la situation là-bas pour les chrétiens ? Ah ben, elle est dramatique, bien sûr, elle continue à être dramatique. Les chrétiens d'Orient sont persécutés. Les informations que nous recevons de Syrie, où nous sommes en contact étroit avec notamment Mère Agnès Mariam de la Croix, qui est la supérieure d'un monastère là-bas, nous confirment que la situation va mal et que ceux qui protègent les chrétiens d'Orient, contrairement au discours officiel que l'on entend ici de la part des médias mainstream ou du gouvernement, ceux qui protègent les chrétiens d'Orient, eh bien, ce sont d'une part l'armée syrienne officielle, l'armée de Bachar el-Assad, l'armée gouvernementale, et puis le Hezbollah. Il faut le dire aussi à nos auditeurs, il y a une volonté de la part des médias mainstream de faire croire d'une part que l'Arabie Saoudite est un de nos bons alliés et d'autre part de tout faire pour donner des chiites une image d'épouvantail. Or, en l'occurrence, les faits dont nous avons connaissance de la par même des chrétiens vivant en Syrie, c'est que c'est notamment les milices du Hezbollah chiite qui viennent avec l'armée syrienne officielle protéger les chrétiens en Syrie. Donc vous vous rappelez ce paradoxe que c'est une milice chiite finalement qui aujourd'hui défend les chrétiens d'Orient, alors que c'est une mission historique de la France, depuis Saint-Louis, il me semble, absolument, que de défendre les chrétiens d'Orient. Et en ça, la diplomatie française, une fois de plus, déroge à une tradition, multiséculaire. Absolument, c'était une promesse de Saint-Louis, dont la France, est, en tout cas à travers ses gouvernements contemporains, se montre indigne. Je dirais que c'est toutes les nations dites chrétiennes, qui sont en fait des nations apostates, pouvons-nous dire, qui se montrent indignes de leur politique étrangère. Quand on observe que différents pays se targuent de donner des leçons en matière de démocratie sur les autres continents, que l'on prétend vouloir dire à l'Afrique, à l'Amérique latine, à l'Asie, comment elle doit gouverner, mais que en même temps, les nations occidentales, initialement chrétiennes, se montrent à l'origine de toute une série de situations conflictuelles dont les chrétiens sont systématiquement ensuite des victimes, eh bien, y a évidemment matière à scandale. Et ce changement participe également de la perte d'influence de la France sur la scène internationale, puisque cette évolution est assez récente également. Ah, mais il suffit d'observer à quel point désormais la France est à la remorque des États-Unis et d'Israël, et qu'il n'y a plus d'indépendance, de souveraineté en matière de politique des affaires étrangères de la part de la France. Et alors, pour revenir au débat franco-français, j'avais envie de poser une question. Quel peut être justement le message du catholicisme dans l'alternative qui nous est proposée entre une ferveur musulmane qui peut déboucher, si elle est manipulée, sur justement des attentats terroristes, et cette république recroquevillée sur son concept de laïcité qu'elle redécouvre d'ailleurs. Quelle alternative, quel autre message, quelle troisième voie peut apporter le catholicisme? J'allais utiliser le terme de troisième voie, vous m'avez précédé. Je pense qu'effectivement, entre d'une part une laïcité républicaine qui est haineusement anti-religieuse, et d'autre part une possibilité de voir émerger un islamisme conquérant, il y a, nous semble-t-il, une responsabilité de la part des catholiques d'enseigner le contenu du christianisme pour apparaître véritablement comme une source de repères et d'équilibre dans la société. Il y a, je pense, quantité de nos contemporains qui sont en quête spirituelle, et qui peuvent trouver utilement dans la foi catholique des réponses à leur recherche, qui peuvent trouver dans la foi catholique un phare au milieu des tempêtes, une source d'équilibre en matière aussi de sujets politiques, de sujets économiques, de sujets de sujets sociaux. Encore faut-il qu'on ait pour cela l'occasion de faire entendre le véritable catholicisme et pas une vision édulcorée post-68arde issue du Concile Vatican II. Alors justement, Monsieur Scada, aux éditions Contre-Culture, on a édité dernièrement un livre d'Augustin Baird, Jésus-Christ, sa vie, sa passion, son triomphe. Qui est un excellent livre que j'encourage vos auditeurs à lire. C'est véritablement un excellent ouvrage au point de vue du contenu. C'est une belle occasion de découvrir le véritable message du christianisme à travers la personne même du Christ. Alors, Monsieur Scada, il y a un fait qu'on observe. C'est que d'une part, les églises se vident, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, mais par ailleurs, on observe une hausse malgré tout des conversions dans ce qu'on appelle le catholicisme traditionnel. Alors, comment expliquez-vous cela, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le catholicisme traditionnel ? Alors, première question, comment expliquer ce phénomène ? Je pense que c'est naturel pour l'être humain de chercher des réponses dans la spiritualité. C'est quelque chose d'intrinsèque à la nature humaine. Notre société est de plus en plus déboussolée. C'est vrai que nous vivons depuis plusieurs décennies dans un monde de plus en plus matérialiste qui a cherché à évacuer la religion. Mais cette volonté des institutions se heurte à la réalité humaine, à la réalité de la nature humaine qui, elle, cherche encore et toujours des repères spirituels. Et donc, dans le domaine de la foi catholique, l'Église, issue du Concile Vatican II, a cessé de prêcher. Elle a cessé de vouloir convertir. elle a cessé tout bonnement de vouloir enseigner la doctrine catholique. Elle se contente d'un discours mou, tiède, humanitariste, quasiment marxiste, qui s'accommode fort bien des velléités mondialistes. Et ce n'est pas ce discours-là qui est une trahison, qui est une tromperie, qui est une duperie, qui peut apparaître comme un repère, un phare pour ceux qui sont en quête de réponses authentiques. Mais par contre, quand les personnes en cherche de réponses spirituelles découvrent le catholicisme authentique, le catholicisme originel, avec sa force de conviction dans ses réponses, avec sa volonté d'offrir des vérités éternelles, des vérités pérennes, alors il y a une adhésion qui se fait facilement et qui tranche avec l'attitude de fuite que l'on constate dans les églises conciliaires. Alors, quand vous parlez d'église conciliaire, vous faites référence au Vatican. Donc, vous avez évoqué un catholicisme post-68art, matérialiste, avec, il est vrai, des papes comme Jean-Paul II et le pape François, aujourd'hui, en est l'illustration parfaite, qui sont finalement des icônes mondialistes, au même titre, par exemple, que Madonna. Vous avez également évoqué... Qui font le plébiscite parmi les médias mainstream. Et déjà cela, c'est en soi un indice qu'il y a problème. Un pape authentique, un pape authentiquement catholique est honni par une grande partie des médias qui ont vocation à mener la guerre au christianisme. Alors, lorsqu'on observe que le pape François devient le chouchou des tabloïdes, se paye les unes des magazines de toute l'intelligentsia mondialiste, devient une espèce de pop star des télévisions, eh bien, il y a matière à se poser pour le moins quelques questions. Et c'est tout simplement, à mon sens, l'illustration d'une adhésion de l'Église moderne conciliaire au discours mondialiste imposé en vue de l'émergence d'un gouvernement mondial demain. Donc au monde marchand à laquelle l'Église devrait logiquement s'opposer. Est censée s'opposer, absolument. Alors vous avez aussi évoqué le renoncement de l'Église conciliaire, c'est-à-dire du Vatican, à convertir. Et j'aimerais vous faire réagir à un texte qui a été promulgué par le Vatican en décembre dernier pour les 50 ans de l'encyclique Nostra Aetate, c'est-à-dire de Vatican II. Donc ce texte s'appelle « Les dons de l'appel de Dieu sont irrévocables ». Donc je cite ce texte, « L'Église catholique ne conduit et ne promeut aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction des Juifs. Les chrétiens sont néanmoins appelés à rendre témoignage de leur foi en Jésus-Christ devant les Juifs avec humilité et délicatesse, en reconnaissant que les Juifs sont dépositaires de la parole de Dieu et en gardant toujours présente à l'esprit l'immense tragédie. » Fin de citation, donc l'immense tragédie, en référence évidemment à la Shoah. Alors notons que la veille de la promulgation de ce texte, une importante délégation de l'American Jewish Committee avec Bernard-Henri Lévy s'était rendue au Vatican et avait eu un rendez-vous avec le pape François, puis avec le secrétaire d'État du Vatican, c'est-à-dire le numéro 2, qui s'appelle Pietro Parolin. Voilà. Donc j'aimerais avoir votre réaction, justement, à ce texte qui sape, finalement, la mission première de l'Église, en quelque sorte. Absolument. C'est la démonstration d'un pape qui... se montre indigne de la mission qui lui a été déférée. C'est un pape qui est en totale contradiction avec son rôle de dépositaire du trône de pierre. C'est un pape qui montre jour après jour qu'il est un simple pion destiné à participer à l'adhésion à ce mondialisme. C'est, et par de là, évidemment, qui a pour objet de nous faire aussi approuver toutes les revendications des organisations juives internationales, puisque cela, cela fait partie de ce même processus. C'est une attitude qui, que le pape maintient de jour en jour, qui n'est pas d'ailleurs que vis-à-vis du judaïsme, c'est, ça vaut aussi vis-à-vis de l'islam, ça vaut vis-à-vis du bouddhisme, ça vaut vis-à-vis de n'importe quelle croyance. La vidéo de vœux de nouvel an du pape François est un morceau d'anthologie en matière de syncrétisme. La vidéo montre des personnages se rejoignant, chacun ayant dans leurs mains une symbole de leur croyance personnelle. Il y a la menorah, il y a un Bouddha, il y a un enfant Jésus. Et cela, c'est véritablement un message mondialiste. C'est la religion mondiale de demain. C'est cette espèce de syncrétisme religieux qui remplace les religions et qui donc, de la part d'un pape, est une hérésie. C'est une trahison complète du message de l'Église catholique. C'est une hérésie, on peut vraiment parler d'hérésie que ce message-là véhiculé par le pape. Un oachisme, diraient certains, oui. Et notons d'ailleurs que toutes ces organisations de prétendus dialogues interreligieux, quand on remonte, on voit toujours derrière le Congrès juif mondial, l'American Jewish Committee, un certain nombre d'organisations qui ont réussi à soumettre finalement le pape à leur message. Pourquoi ? Parce que le pape est à la tête du plus grand réservoir de croyants du monde. C'est-à-dire que la voix du pape engage derrière lui, je crois, hein, si je ne me trompe pas, 1,5 milliard de personnes, et qu'un message qui viendrait en contradiction avec le mondialisme serait véritablement révolutionnaire et prendrait avec lui une part importante des hommes. Mais c'est justement cela le rôle du pape, c'est d'être celui qui clame à temps et à contre-temps la vérité. Et en l'occurrence, un pape authentiquement catholique aurait une mission extraordinaire en ces temps de grande confusion. Imaginez un peu un Saint Pidis qui oserait aujourd'hui, sans aucune peur de termes forts, de termes clairs, fermes, dénoncer ce mondialisme, dénoncer ce syncrétisme, dénoncer cette apostasie générale. Mais alors, monsieur Escada, vous dites que le pape n'est pas authentiquement catholique, je reprends vos termes. Que faudrait-il faire pour qu'il le devienne, pour qu'il le soit ? Bon, la réponse la plus facile serait de vous dire il faut beaucoup prier, il faut le faire, mais... Quelle alternative vous proposez concrètement ? Je pense que avant toute chose, il faut quitter les églises conciliaires, il faut s'éloigner le plus rapidement possible pour ceux qui nous écoutent et qui vont encore dans les églises modernes, dans les églises conciliaires, ou pour ceux qui seraient en cheminement spirituel et qui ont commencé un catéchisme dans ces églises conciliaires. Il faut s'en détacher le plus rapidement possible parce que c'est une tromperie et c'est une voie de perdition. Il faut retrouver des prêtres, des membres du clergé qui ont cette fidélité au message du Christ, cette fidélité à la doctrine catholique qui est profondément antilibérale, antimondialiste, anti-syncrétiste. Alors justement, en parlant de cette doctrine catholique qui serait antilibérale, vous savez qu'en Amérique du Sud, le christianisme est profondément enraciné encore. C'est à mon avis dû au fait des influences de la théologie de la libération. Alors je voulais avoir votre avis sur cette question. Alors je sais que vous n'êtes pas théologien, cependant vous avez malgré tout une vision sociale du christianisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Alors pour moi, la théologie de la libération est un concept extrêmement néfaste, extrêmement nocif, dans lequel je ne me reconnais pas du tout, parce que je pense que, là encore, c'est une déviance, c'est une espèce de tentative marxiste d'infiltrer l'Église. Et par contre, je tiens dans le même temps, immédiatement, à dire à quel point le message authentiquement catholique est profondément source de justice sociale. J'utilise volontiers le terme de justicialisme parce que, contrairement à ce que pensent ceux qui ne connaissent pas le message du christianisme en matière notamment sociale, et qui pourraient imaginer que l'Église est du côté des riches, comme si elle était, entre guillemets, promotrice du capitalisme, eh bien, au contraire, l'Église, dans ses enseignements en matière économique et sociaux, insiste beaucoup sur cette justice sociale, sur ce besoin, par exemple, de trouver des chefs d'entreprise qui agiront en bon père de famille, qui n'auront pas pour motivation la recherche des bénéfices, qui n'auront pas pour prisme premier le veau d'or, mais qui auront pour objectif que leur entreprise, en conservant un équilibre financier, bien entendu, pour assurer sa pérennité, assure surtout le bien de ses ouvriers ou de ses employés, leur permette d'être de bons pères de famille qui vont pouvoir donner tout ce qui est nécessaire à leur épouse et à leurs enfants. Ce rôle du patron catholique, il est aux antipodes de la haute finance capitaliste et apatride. Et pourtant, M. Escada, quand on se reporte à votre fiche Wikipédia, c'est la première chose qu'on fait en général quand on veut connaître quelqu'un, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs l'auront fait probablement, on lit, c'est la première ligne, Alain Escada est un militant d'extrême droite belge. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces accusations, alors que manifestement, vous portez un discours qui tend vers la justice sociale et vers le bien, finalement? Alors, je rejoindrai Marion Sigaud dans la critique de Wikipédia. c'est que Wikipédia, qu'on présente erronément comme une encyclopédie libre, est un outil de manipulation aux mains de gens qui, à travers cela, dressent des portraits destinés à épouvanter l'opinion publique par rapport à tous ceux qui se voudraient des dissidents. Je rappelle qu'il y a quelques jours, le Canard Enchaîné a dévoilé que des fiches Wikipédia avaient été modifiées à partir d'une adresse IP du ministère de l'Intérieur et que la place Beauvau avait ainsi traficoté 4000 fiches Wikipédia depuis 2007. Et ils ne sont pas les seuls. À tel point que cette adresse IP a été suspendue par l'administration de Wikipédia. L'article est disponible sur Égalité et Réconciliation. Alors, quand on sait que Wikipédia n'est pas nécessairement un adversaire du système, bien au contraire, eh bien, ça en dit long. Donc, hélas... plus généralement sur la diabolisation des mouvements catholiques traditionnalistes. Il va de soi que... de la même façon que l'Église a été infiltrée et que le Concile Vatican II en est un des éléments principaux pour empêcher que l'Église catholique puisse être ce moteur dans l'opposition à ce mondialisme, eh bien de la même façon, tout est fait à travers les médias mainstream pour diaboliser, épouvanter l'opinion publique à l'égard de tous ceux qui sont censés incarner les mouvements de tradition catholique. Alors voilà, on est toujours réduit, c'est la fameuse réduction ad Hitlerum, hein, c'est que catholique authentique, c'est catholique intégriste, c'est fasciste, fasciste, c'est gardien de camp de concentration. Et à travers cela, on empêche tout débat serein et on prive l'opinion publique de pouvoir entendre le véritable message catholique. Tout en faisant fi d'ailleurs de toute réalité historique, puisque le catholicisme s'est évidemment opposé au national-socialisme allemand et ainsi de suite. N'importe qui pourra assez facilement trouver le message du pape Pie XII condamnant le national-socialisme qui était païen et antichrétien. Alors justement, j'avais une question à vous poser à propos de Vatican II, qui est notamment la fin de la messe en latin. Comment expliquez-vous que ce soit Georges Brassens, qui était un anarchiste et pour le moins pas un fervent catholique, qui est un des premiers, je pense, décelé dans sa chanson « Tempête dans un bénitier », décelé la fin, si vous voulez, de la foi catholique en France, en disant justement, sans le latin, la messe nous emmerde, et ainsi de suite. Oui. Mais effectivement, et Georges Brassens n'est pas le seul de ceux qui, n'allant pas à la messe, n'étant pas des piliers de sacristie, ont pour autant bien perçu que c'était une façon de mettre fin à un élément fondamental de notre société. Que en effaçant la visibilité du sacerdoce, c'est-à-dire en privant le prêtre de sa soutane, ou de façon générale les religieuses de leur habit, en faisant de la messe une espèce de fiesta avec un message humanitariste où on parle plutôt de la distribution de grains de riz au Sahel que du message du Christ et où on joue de la guitare en fonction du goût de l'assemblée, on a annihilé le message du Christ. On a fait passer Jésus-Christ pour une espèce de hippie et on a dénaturé complètement le message du christianisme. Et ça a permis, d'une part, de vider les églises, d'autre part, encore une fois, d'empêcher qu'il y ait une force spirituelle qui pouvait bloquer le processus mondialiste, justement, de jouer son rôle. Et justement, en réaction à ça, ou en protestation, Monseigneur Lefebvre a créé une alternative qui s'appelle la Fraternité Saint-Pie-X et qui continue à pratiquer le culte tel qu'il se pratiquait avant Vatican II. Et à ce propos, donc on parle d'église traditionnelle, on peut aussi parler, vous l'avez dit, de catholicisme authentique. Alors combien y a-t-il d'églises de ce type en France? Comment les rejoindre? Alors, je n'ai pas en tête les chiffres précis. Je peux vous dire qu'il y a en tout cas des lieux de messe de la Fraternité Saint-Pie-X dans à peu près toutes les grandes villes de France, qu'il y a aussi, et c'est un point important, quantité d'écoles qui dépendent de la Fraternité Saint-Pie-X. Et c'est un point qui me semble très important parce que l'éducation est un élément essentiel pour la résistance à la déformation des esprits. On voit que, évidemment, cette volonté d'éradiquer le christianisme, c'est aussi une volonté de déraciner l'individu, de le priver de tout ce qui fait son attachement à une patrie, de le priver de ce qui est une famille traditionnelle qui est source d'équilibre. Et l'éducation est un élément essentiel quand l'école est un lieu de subversion, comme l'est l'école de la République aujourd'hui, eh bien, les parents se trouvent finalement totalement dépourvu parce que l'enseignant passe plus de temps avec leur enfant que les parents ne peuvent le voir. Et donc, le fait de disposer d'écoles hors contrat qui continuent à apprendre les éléments essentiels pour faire des enfants équilibrés, c'est prépondérant pour demain avoir une génération de catholiques déterminés à reprendre le rôle dans la société. Alain Escada, je voulais aussi préciser d'ailleurs que ces écoles sont de qualité, notamment dans la formation littéraire. Fait rentrer beaucoup de gens, notamment à Normale Sup et ainsi Absolument. De suite. Hein. Absolument. Et, remporte de nombreux prix, bien souvent les concours de dictée, etc., sont remportés par des élèves de ces écoles. Donc il y a aussi un aspect communautaire, c'est-à-dire que la religion est aussi la création d'une communauté et que l'Église authentique, l'Église telle que vous la concevez, maintient aussi cet aspect communautaire qui a complètement dissous l'Église conciliaire via justement ces espèces de messes faites qui ont beaucoup plus à voir avec la spiritualité New Age. C'est-à-dire Absolument. Qu'on est catholique comme on pourrait être bouddhiste, comme on pourrait Absolument. Faire du yoga, comme on pourrait... Tout à fait. D'ailleurs, on peut observer que le message de l'Église conciliaire à propos de la COP 21 avait tout d'un culte à Gaïa très New Age. Hein. Donc, on a vu des évêques embrasser des espèces de planisphères comme s'ils embrassaient les pieds du Christ. C'est assez inquiétant. Mais donc, oui, la Fraternité Saint-Pie-X tente d'organiser une vie complète, c'est-à-dire une vie intérieure, c'est ça le premier point, offrir à tous ces fidèles et à tous ceux qui veulent découvrir le christianisme les sacrements, la messe, les offices de façon régulière, mais aussi, en marge de cela, un lien proposer social. Un lien social avec l'école, les mouvements de jeunesse, le scoutisme, les mouvements d'étudiants, absolument, les associations professionnelles, à l'image de ce qu'étaient les corporations autrefois, des réseaux de juristes catholiques, d'artisans catholiques, de juristes, oui, de médecins catholiques, oui, c'est tout ça, c'était autrefois la richesse d'une société bien organisé avec tous ces liens organiques. Alors pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté notre dernière émission, celle du 24 décembre 2015, je leur rappelle qu'ils peuvent se faire une idée du message de cette Fraternité Saint-Pie-X, puisque nous avons reçu dans nos studios l'abbé Patrick Delaroque, que vous devez connaître. Oui, qui est l'actuel curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnay et qui maintient un discours ferme. Alors, Monsieur Escada, moi j'avais une question à vous poser, c'était concernant ce qu'on appelle la mouvance, dont Égalité et Réconciliation est un acteur majeur. Oui, absolument. Je sais que vous êtes sensible aux éditions de livres. Tout à fait, au travail de contre-culture que je trouve remarquable. On ne soulignera jamais assez que dans le travail de reconquête qui doit être le rôle de toute la mouvance dite dissidente, il y a deux aspects essentiels. C'est d'une part la réinformation, et le site Égalité et Réconciliation fait un très beau travail en ce domaine, et je crois peut se targuer d'avoir une audience qui fait pâlir d'envie bien des médias mainstream. Et puis d'autre part, un autre élément essentiel, c'est le retour au réel à travers le retour à l'intelligence. Et ça passe par la lecture, ça passe par la culture. Le livre est un outil indispensable pour se former un esprit, une intelligence, un discernement, une forme de capacité intellectuelle à faire face aux défis de notre temps. Et Contre-culture offre un catalogue de livres qui viendra bien à point à nos auditeurs, catholiques ou non, pour être une alternative à tout le prêt-à-penser que l'on peut trouver à la FNAC ou dans les autres librairies du consensualisme contemporain. Il y a des textes vraiment doctrinaux essentiels. Vous avez vraiment publié des ouvrages, je pense à la conspiration antichrétienne, etc. Enfin, il y a vraiment de très très beaux ouvrages que vous avez réédités et que vous offrez à un prix défiant toute concurrence et qui permet que ces ouvrages qui n'étaient plus réédités ou qui étaient parfois réédités dans des qualités très moyennes, se retrouvent à portée du plus grand nombre pour un prix acceptable. Et sur Vatican II, qu'on a beaucoup évoqué déjà, on peut appeler les auditeurs à lire l'ouvrage de Léon de Poncin, absolument, également, qui est disponible chez Contre-Culture. Tout à fait, oui. Et puis bon, tout le catalogue que vous avez pour dénoncer aussi, tout ce, en matière de géopolitique, tout ce qui est mondialisme, vous avez publié des ouvrages qui concernent aussi bien ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Amérique latine, ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. Il y a les ouvrages concernant la santé, c'est aussi un des éléments utilisés par les mondialistes pour affaiblir la capacité de résistance de nos contemporains. C'est important aujourd'hui que nos auditeurs comprennent bien qu'en face de nous, nous avons un adversaire qui ne néglige rien, qui utilise le moindre élément à sa portée pour nous manipuler, pour nous affaiblir, pour nous déraciner, pour faire de nous de simples consommateurs vautrés devant la télévision et adeptes du prêt-à-penser. Oui. Alors vous avez évoqué justement cet adversaire qui fait feu de tout bois. Absolument. Et cependant, on a l'impression d'un catholicisme politique inexistant, même s'il a pu se manifester au moment du mouvement contre le mariage homosexuel. En tout cas, l'aspect catholique n'a pas été revendiqué en premier chef. Pour tous, en tout cas. Et on a vu également l'échec d'initiatives, enfin l'échec relatif d'initiatives telles que la Griffe, qui s'était pensée en quelque sorte comme une LICRA catholique, si on veut, et qui n'a jamais vraiment réussi à imposer son point de vue dans le débat public, notamment au niveau des publications, notamment au niveau de Charlie Hebdo et ainsi de suite, où les procès ont quasiment toujours été perdus. Quel avenir voyez-vous pour un hypothétique catholicisme politique, et même existe-t-il ? Alors, à ce stade-ci, il n'existe pas. Il faut être très clair. À ce stade-ci, en tout cas, il y a... Civitas tente de faire entendre une voix strictement catholique, intégralement catholique dans le débat politique, dans le débat de société, mais nous n'avons aucun relais. Nous avons des audiences auprès de députés, de sénateurs, de conseillers régionaux, généraux. Nous avons des maires qui adhèrent à notre association, mais au-delà de cela, nous n'avons aucune structure bien établie qui a le désir profond de faire entendre une voix authentiquement catholique. Et je pense, sans me lancer dans un procès vis-à-vis de toute une série d'organisations, je pense que tant que des associations comme la Manif pour tous monopoliseront l'espace médiatique pour justement empêcher l'émergence d'une force catholique, évidemment, le pouvoir pourra se frotter les mains. Parce que la voix tiédasse d'un discours qui vise à dire « les catholiques vont se retrouver dans notre message, mais nous n'allons pas dire que nous sommes catholiques », c'est voué à l'échec. Ça a toujours été voué à l'échec et ça le sera toujours. C'est un discours de compromission qui amène exactement à ce que veulent nos adversaires, c'est-à-dire donner l'impression qu'il existe un adversaire, donner l'impression qu'une force populaire mettre à disposition de ceux qui le veulent, mais en même temps, téléguider ce semblant d'alternative, puisqu'on sait très bien que la Manif pour tous, par exemple, l'UMP, entre autres, il y avait toutes ces antennes directives, donc pouvait exactement faire dire à la Manif pour tous ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait. Donc, ça, ce sont des montages, c'est ce que j'appelle des montages, c'est-à-dire donner l'illusion aux Français, et particulièrement aux Français catholiques, donner l'illusion qu'il existe des structures de résistance, alors que ces structures de résistance sont téléguidées. Et puis c'est le détournement par des gens comme Frigide Barjot ou Hervé Mariton, qui, son nom ne l'indique pas, n'est pas franchement catholique. Bien sûr. Frigide Barjot qui répétait avec fierté qu'elle avait fait toutes les Gay Pride et qui ensuite avait le culot de prendre la tête d'un mouvement qui prétendait s'opposer à la loi Taubira, c'était la meilleure façon pour le lobby LGBT de court-circuiter la résistance populaire qui pouvait se mettre en place. Hervé Mariton, on sait bien que c'est certainement pas lui qui va défendre le catholicisme en France. Vous citiez la griffe, je suis désolé, mais je pense qu'effectivement il faut tenir compte d'une réalité, c'est-à-dire que qui nomme les magistrats, en tout cas certainement pas les catholiques de France, et donc évidemment remettre dans le sort de la magistrature la défense des intérêts catholiques, c'est quand même pour le moins faire preuve de naïveté. Aujourd'hui on n'a pas de doute sur le fait que j'ai en tête le fameux procès contre Dieudonné avec un descendant de Dreyfus pour décider du sort d'un spectacle en France. Voilà, mais c'est ça la référence réalité. À Stirn, c'est ça? Absolument. Oui. C'est... Voilà, il y a une réalité. Il y a une réalité du terrain. C'est que aujourd'hui, ceux qui prétendent défendre la démocratie, les droits de l'homme, qui sont Charlie, qui sont tous en kippa, etc., pour reprendre les différents mots d'ordre qu'on entend ou qu'on lit sur les réseaux sociaux, ce sont les premiers organisateurs de dictature. C'est le totalitarisme démocratique tel que l'avait décrit Solzhenitsyn, qui simplement a pris une couleur occidentale, mais qui finalement n'est pas plus cool que l'était l'Union soviétique. Et qui masque les agissements de la finance internationale. Absolument. Pour qui le fait spirituel est complètement contradictoire avec la logique marchande. Absolument. Et malgré tous ces pièges que vous énoncez, Béatrice Bourges, que j'ai interviewée lors du premier forum de la dissidence, me disait qu'elle restait profondément optimiste. Est-ce que vous-même, vous êtes optimiste ? D'abord, l'espoir est un devoir du catholique, donc je me garderai bien de vous dire que je ne suis pas optimiste. Moi, encore que je préfère dire que je suis réaliste plutôt qu'optimiste. Je répéterai volontiers la phrase de Maurras aussi, en politique, le désespoir est la pire des sottises. Simplement, plutôt qu'optimiste, je veux être réaliste. Je veux répéter encore et encore que tant que les catholiques de France n'auront pas conscience qu'ils doivent être des catholiques assumés, qu'ils doivent prendre des responsabilités dans la société en tant que catholiques, qu'ils doivent oser dire auprès de leurs collègues au boulot qu'ils sont catholiques, qu'ils doivent oser dire dans les dîners de famille qu'ils sont catholiques, qu'ils doivent aussi dire à temps et à contre-temps, même si ça fâche, qu'être catholique, c'est telle et telle vérité, et que le catholicisme n'a pas vocation à être consensuel. Que les catholiques de France osent s'assumer dans tous les débats de société en tant que catholiques, et de ce fait-là, à travers cette forme-là d'argumentation, enfin qu'ils aillent vers une reconquête. Mais tant que cette affirmation de leur caractéristique catholique sera refusée, tant qu'ils mettront leur chapelet en poche, ils auront perdu. Il faut aussi pour cela que qu'ils prennent conscience que le clergé conciliaire ne va évidemment pas les aider, les encourager à être ces catholiques assumés. C'est là que j'aime beaucoup Béatrice Bourges, avec laquelle j'ai régulièrement des discussions, mais je l'encourage vraiment aussi à se poser la question de savoir dans quelle mesure la confiance qu'elle a dans l'épiscopat français n'est pas infondée. Alors, Alain Escada, moi, je voulais vous poser une dernière question. C'était concernant ce que vous appeliez tout à l'heure la réinformation. Civitas est également active dans la réinformation, puisque vous avez, je crois, un média d'information alternatif, Média Presse Info. Je précise que Média Presse Info n'est pas organiquement lié à Civitas. C'est une émanation de... Même si plusieurs collaborateurs de Civitas participent à la rédaction de Média Presse Info. Mm-hmm. Mais Média Presse Info est, disons, un média alternatif qui regroupe une rédaction bien plus large que simplement des cadres de Civitas. Je crois savoir que vous êtes au classement Alexa, un classement Internet, des sites français. Vous êtes 833e. Média Presse Info. Ce qui est pas mal. Bon, c'est évidemment par rapport à Égalité et Réconciliation, on a encore du travail. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un positionnement qui n'est pas négligeable. Ça veut dire qu'on est le premier site d'information catholique de France. Un catholicisme métapolitique en attendant un catholicisme politique. Donc. Absolument. Absolument. D'accord. Donc nous incitons nos auditeurs à se reporter à Média Presse Info. Merci pour votre soutien. Je dois dire que pour nous, c'est vraiment, encore une fois, ça fait partie des enjeux essentiels. Hein. La réinformation, c'est indispensable de la mener au quotidien. Il faut absolument répéter à tous ceux qui nous écoutent. Ne regardez plus la télévision, n'écoutez plus la radio du système, ne lisez plus la presse du régime. C'est déjà fait, ça, je pense. Voilà. il faut le dire et il faut surtout amener les gens à le dire aussi autour d'eux. Il faut vraiment que cette défiance vis-à-vis de la classe, de la caste politico-médiatique, se fasse de plus en plus importante. On ne dira jamais assez que le monde politique couche avec le monde médiatique, hélas, il faut utiliser ces termes-là, et que on doit aussi comprendre la désinformation par cette espèce de complicité permanente. Eh bien, Alain Escada, c'est avec ces paroles paradoxalement révolutionnaire que nous allons nous quitter. Merci en tout cas encore pour votre invitation et pour cette tribune. Merci beaucoup d'être venu. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine ? Oui. Pour une nouvelle émission ? Oui. Très bien. Chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Stéphane Blé, sur une musique qu'il a composée. Son album est disponible sur le site contreculture.com. Il s'intitule Figure libre. Nous allons écouter Sonate, opus 40, numéro 4, intitulé Renaissance. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.